Vas-y. Bon, allez, bah, si c'est pas. Attends, ça, parce que les enfants, ils ont tendance à se mettre dans le cul, hein. Ça va pas être long, hein, parce que moi, j'aime pas dire cul. Je vais pas me laisser emmerder par des. Ah, je vais les deux minutes, hein. Nous, à voir, je que près des bras de cueillette et tout ça. Allez, les pédos, derrière. Bon, non, non, elle est pas d'accord, hein. Ah, c'est dire, c'est pas long, hein, parce que tu as tout le que le poids dans les têtes, tu vas être avec tes crânes. Je vais les faire vite. D'accord? Bon. Salut les affreux, bienvenue sur Radio Web Passion. Il est 18h, c'est l'heure de votre dose hebdomadaire de Hot Rods. 2 heures de pur son 70s en compagnie de Jackal. Jusqu'à 20h, on attache sa ceinture, on passe la première, on accélère. I got no time for wasting, I got to live my life. Boston X Easy, dès son premier album, Boston pose les bases de ce qui deviendra le rock FM. Des mélodies soignées, des riffs brillants mélangeant habilement d'élégantes guitares électriques et acoustiques, des chœurs et le tout produit de manière irréprochable. Le groupe a vendu 25 millions d'exemplaires de son premier album éponyme, dont 17 millions rien qu'aux États-Unis. À eux seuls, les trois premiers albums de Boston se sont écoulés à 28 millions d'exemplaires. Schématiquement, on peut parler d'un style de musique écouté par les jeunes avec la bénédiction de leurs parents qui sont aussi sous le charme. C'est ce que les Américains appellent l'AOR, Album Oriented Rock. Hot Rod active les instincts primaires. We'll be right back. Devil Woman, la B-side de l'unique single de Silence, une obscure formation néerlandaise, sortie en 1971, une petite perle rare comme moi je les aime bien. Et juste avant, Fast Train, un titre d'April Wine, une formation canadienne qui connaîtra maintes succès durant la décennie 70, surtout en Amérique du Nord. Avec une vingtaine d'albums au compteur et du haut de ses 50 ans, il continue de se produire sur scène. La prochaine date, ce sera à Huntsville, en Ontario. Ça, c'est au Canada. Ce sera le 20 juin prochain. Bah, si d'ici là, les concerts sont de nouveau autorisés. Une affaire à suivre. C'est rapide, c'est puissant, c'est Hot Rod. Thank you. Blank avec Tattooed Girl, paru en 1971, une formation américaine originaire d'Irvine au Texas qui connaîtra le succès grâce à leur single en 1981, Nicole. Et auparavant, on s'est écouté Sniff and the Tears, Driving Seat, un single de 1978 qui restera le seul succès des Britanniques. C'est ce qu'on appelle un One Hit Wonder. We'll be right back. double live, rien que pour vos oreilles, Scorpions avec He's a Woman, She's a Man, suivi d'un petit rainbow de Derrière les Fagots avec Ronnie James Dio au micro, Kill the King. On va démarrer la Fun Touch avec Warm Gum, une formation parisienne née des cendres des Bee Gees, un groupe au nom prometteur qui, en remportant le tremplin du Golf Drouot, attire l'attention du guitariste Larry Martin, qui était également un vieux routier des studios parisiens. Ce dernier les rebaptise Warm Gum et les fait entrer en studio sous la direction de Paul Pechnert, un ex-doc qui réalise leur unique EP pour le label Isadora en 1977. On s'attardera sur le titre Broken Window. Ensuite, un groupe de Bordeaux, Control. Alors, je n'ai pratiquement rien trouvé sur eux, mais mis à part que la formation comprenait dans ses rangs un certain Éric Melon, qui rejoindra plus tard les Lyonnais de Marie et les Garçons, rebaptisés en Les Garçons suite au départ de Marie Girard. On écoutera le titre Hungry, mais on commence tout de suite avec Warm Gum. I know you too, put the blame on your joke box. Smash your windows, have a lot of fun. Let's break the glass and take a run. Smash your windows, I don't need no gun. Let's break the glass and take a run. Run, run, run. Now that's in all you're pulling me. Is there a red dullness you wanna turn me into madness? Leave me with that test of frustration. Then tell me I'm the part of the same generation. Smashing windows, have a lot of fun. It's like glass and church I run. Smashing windows, I don't need no gun. It's like glass and church I run. Run, run, run. I'm so fed with the crowd, crowd. But I got a funny gun for you and me. We're gonna turn demonstration into final distraction. Trust and answers a jewel I scream. Smashing windows, have a lot of fun. Let's break glass and take a run. Smashing windows, I don't need no gun. Let's break glass and take a run. Run, run, run. Take a run. Take a run. Yeah, oh, take a run. I said run. Vous avez entendu parler de cette expression, la langue de Shakespeare. Oui, j'ai entendu. Mais et pourquoi dit-on la langue de Shakespeare, à votre avis? Là, je ne peux pas vous le dire. Moi, je sais qu'il buvait trop. Qui ça? Shakespeare, il buvait trop. Et alors? Et alors, on ne comprenait pas ce qu'il disait, apparemment. Et moi, j'ai lu tous ses livres, presque du premier jusqu'au sixième. Et après, j'ai arrêté. Jusqu'au sixième livre? Oui, j'ai lu les livres jusqu'au sixième livre. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai vu que... on ne comprenait pas ce qu'il écrivait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. The boss's penthouse. Retour au classique avec deux titres qu'on ne présente plus. Thank you. Reste cool, écoute Hot Rods. Time for change. Killed Le mythique Sweet Home Alabama des Lynyrd Skynyrd, suivi du non moins célèbre Sympathy for the Devil des Stones. On continue, on enchaîne, on part en 1971 avec The Hollies et leur album Distant Lights, sur lequel on retrouve ce titre Long Call Woman. Les Hollies, comme les Rolling Stones, est l'un des rares groupes créé au début des 60s, qui n'a jamais été dissous et qui continue d'enregistrer et de tourner. She was a long, cool woman in a black dress with a fine, beautiful tone. Well, just one look, I was a bad mess, 'cause that long, cool woman had it all. Bye. The Hollies, Long Cool Woman, pour clôturer cette première heure de Hot Rods. J'aimerais maintenant vous présenter, ben, les amis, une nouvelle rubrique que j'ai appelée la carte blanche A. En fait, c'est un moment privilégié où je reçois un artiste, alors peu importe son domaine d'activité, que ce soit la musique, la peinture, l'écriture, etc., et je demande à mon invité de vous présenter une petite playlist de chansons de son choix, avec un seul fil rouge quand même, les 70s. Et pendant une heure, il nous évoquera sa vision des années 70, qu'il les ait vécues ou non. Et pour parrainer cette rubrique, j'ai invité mon ami Igor. Alors, coronavirus oblige, la réunion s'est faite à mon domicile, et nous n'avons pas vu le temps passer. Du coup, il en résulte presque 2 heures d'enregistrement. J'ai donc décidé de vous diffuser ces 2 heures, mais pas ce soir en une seule partie, en 2 parties. J'ai donc décidé ce soir de vous presser la première partie. Voilà, tout est dit. La seconde partie, vous la verrez la semaine prochaine. Donc là, pour l'instant, c'est retour au 18 mai dernier. Bien, ce soir, j'ai un invité, exceptionnellement, pour une toute première, j'ai un invité. Je vais le laisser se présenter. Il s'appelle Igor. Allez, vas-y, Igor. Ouais, alors je suis Igor. Quoi dire? Bah, je suis un passionné de musique depuis bien longtemps. Musicien aussi, depuis longtemps également. Donc, je suis à la fois un mélomane. Je crois d'ailleurs que je suis d'abord un mélomane avant de vraiment d'être un musicien. Et puis la passion de la musique m'a emmené logiquement à jouer de la guitare au début, et puis après, faire tout un parcours à travers la pratique de la musique. Tu fais une différence entre mélomane et musicien? Ah oui. Vas-y, explique-nous la différence. En fait, le mélomane, c'est avant tout l'auditeur. Il n'y a pas besoin de pratiquer la musique et de jouer d'un instrument pour ressentir très profondément la musique et avoir un goût très prononcé pour la musique. J'ai croisé des gens, notamment je pense à un copain qui a fini producteur de musique, c'était quand même quelque chose de très présent chez lui, mais qui était quelqu'un qui avait une culture musicale incroyable, qui avait un goût incroyable pour la musique, un type qui pouvait écouter de la musique quasiment en continu pour 24 heures, une vraie passion, et qui était absolument pas musicien. Et je crois que c'est une des personnes les plus passionnées de musique que j'ai eu l'occasion de croiser. Et qui était pas musicien. Ben, très bien. Donc Igor, pour agrémenter un petit peu ta petite présentation, je vais quand même dire aux auditeurs comment moi je t'ai connu. Je t'ai connu par l'intermédiaire d'une autre émission de radio sur une autre radio. Hein, c'est Mavrika pour pas la citer. Et tu fais partie d'un groupe qui s'appelle Gone Rocking par exemple, ouais. Et qui est un tribute à CDC. Et en parallèle, tu as un autre projet qui est le projet Thérèse Électrique, dont tu es chanteur, guitariste. C'est ça. Voilà. Petite précision technique sur qui est Igor que j'ai en face de moi dans mon studio, mon home studio. Enfin, dans mon home. Il est beau le studio. Ouais, voilà. Wow. Il est grand. Donc, alors le principe de cette carte blanche, j'ai appelé ça la carte blanche. Ouais. Voilà. Donc, carte blanche à Igor. Tu es venu avec une petite liste de chansons, et puis on va s'écouter ça, on va en parler tous les deux, plaisir. Enfin surtout toi, parce que moi je vais me taire et je vais écouter le mélomane que tu es nous décrire ces petites chansons. Et ce principe-là, j'ai l'intention de le faire une fois par mois. Je recevrai un artiste, alors pas forcément un musicien ni un mélomane, mais un artiste, un peintre, un écrivain, n'importe qui, même quelqu'un qui a envie de passer et qui s'y connaît vraiment en musique des années 70, il n'y a pas de souci, il sera le bienvenu dans l'émission. On commence, hein ? Ah bah ouais, vous alors, les années 70. Oui. En fait... Pour moi, cette musique-là, enfin cette décennie-là qui a marqué très très fortement la musique qu'on écoute, qu'on aime, le rock et puis dérivé, elle commence. Ma période de prédilection, c'est démarre en 67 et va jusqu'au 75. Après, il y a encore des choses très intéressantes qui se font jusqu'aux années 80, mais c'est vraiment dans la continuité de ce son-là. Et je démarre ma playlist avec Manic Depression de Jimi Hendrix, parce que pour moi, Jimi Hendrix a été la claque absolue. Je crois que dans ma vie, il n'y a pas une semaine de ma vie où j'ai pas écouté Hendrix. Voilà, c'est Hendrix, c'est omniprésent en permanence. Et pour moi, il marque vraiment le enfin, c'est vraiment un ovni, quoi, vraiment un extraterrestre. Et au moment où avec son premier album, il arrive en 1967 avec ce son incroyable qui vraiment débarquait de l'espace à l'époque. Pour moi, c'est une claque magistrale et vraiment ça ouvre le champ à tout ce qui s'est passé derrière. Donc voilà, je propose qu'on s'écoute pour commencer Manic Depression, Jimi Hendrix, 1967. D'accord, donc la pierre angulaire de ta liste. C'est ça. C'est parti. Is a captured my soul. Yeah. Woman so weary, the sweet calls in vain. You make love, you break love, it's all the same. When it's over, music, sweet music, I wish I could caress. Manic depression is a frustrating mess. Wow! I wish I could caress in a kiss. Manic depression is a frustrating mess. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette chanson qu'on vient d'écouter, donc Jimi Hendrix, Manic Depression? Ce que je peux rajouter, c'est que là où c'est complètement révolutionnaire, c'est que ce riff, il sort de nulle part. Enfin, en général, les riffs de rock s'inscrivent dans la tradition du blues, de l'évolution du blues. Et là, ce riff-là, il est, enfin voilà, c'est un truc qui vient nulle part, quoi. On est loin du blues, on est dans quelque chose une construction complètement atypique et en même temps, il y a dedans 1000 références. Donc, Hendrix y met tout ce qui l'a nourri se retrouve dedans, mais en même temps dans quelque chose dont il fait quelque chose d'absolument neuf. T'es bien dit, hein. C'est très bien dit. On peut pas. Y a rien à rajouter. Tout est dit. Tout est là. Alors, tu dis que pour toi, la décennie, elle commence en 67. Ouais. Elle commence donc avec Hendrix. Pourquoi pas avant? Elle commence avant avec les Beatles. Mais même les Beatles, pour moi, un des albums de référence, c'est Revolver 66. Donc ça commence autour de ces années-là, 66, 67, 68. Ce son-là qu'on va retrouver après et qui va faire toutes les années 70 et qui va être la pierre angulaire de tout le rock à venir. Il naît à ce moment-là, vraiment. Alors Sgt Pepper, Revolver d'abord, Sgt Pepper, et puis après vraiment l'arrivée d'Hendrix, quoi. Qui est là, c'est là, c'est là, le. C'est le ils ont fait feu, quoi. Le boulet de canon est sorti et ça va pas s'arrêter de sitôt. En deuxième choix, qu'est-ce que tu as? Alors, en deuxième choix, donc je vais tout de suite passer. Alors, j'avais d'autres choses, hein. J'ai fait plein de playlists différentes, mais je reprends ma playlist définitive. Ensuite, je vais passer directement, je crois, en 70. Ah oui, 70. Alors, on peut écouter Free, le groupe Free. Un groupe, qui est aussi une de mes grandes références, avec Paul Rogers, ce chanteur qui a une voix incroyable. Pour moi, c'est le crooner du rock'n'roll, Paul Rogers. Free, tout le monde connaît All Right Now, qui a été vraiment leur tube, mais en même temps, ils ont fait 4 albums. Bon, les 3 premiers sont extraordinaires, le dernier est un peu moins bon. Après, Paul Rogers est parti sur Bad Company, où le son, c'est vraiment, c'était plus produit, c'était toujours très très bon. Hein. Mais et pourquoi ce titre? Alors Free pour moi, parce que pour moi ça marque vraiment beaucoup, comme j'y suis très attaché, cette décennie qui commence en 70 avec cet album là qui s'appelle Fire and Water. J'ai choisi ce titre-là. Je voulais un titre de Free et j'ai choisi ce titre-là parce que dans les années 90, en fait, moi, je suis un enfant des années. Enfin, ma culture prend racine dans les années 90 parce que j'ai découvert le rock and roll dans les années 90 avec tous ces groupes de la West Coast, Nirvana, Soundgarden, vraiment cette époque-là, Guns N' Roses, voilà. Et dans ce panel de groupes-là, il y avait un groupe qui s'appelait Mr. Big, donc qui avait repris le nom d'une chanson. De la chanson de Free que je vous propose d'écouter. Et c'est très drôle parce que le chanteur de Mr. Big, dont je n'ai plus le nom en tête, enfin, je connais bien son nom, mais je l'ai perdu. On va chercher on pourra chercher. A une voix, enfin, une façon de chanter. On sent que le gars, il a écouté Paul Rogers en continu, qu'il a digéré, ingéré et digéré Paul Rogers. Et il a une voix très très proche de celle de Paul Rogers. Et en même temps, ils font vraiment une musique très marquée dans les années 90. Mais on sent vraiment que l'esprit de Free est juste derrière, quoi. Oh, let me tell you. Free Mr. Big. Entre temps, on a fait des petites recherches sur internet. On va rien vous cacher. Et le chanteur de Mr. Big s'appelle Eric Martin. Voilà. Quelque chose d'autre à rajouter? Alors oui, typiquement avec ce morceau-là et puis avec Free et le son de Free sur cet album-là, qui est, je crois, leur deuxième album. Il y a eu un premier album éponyme et puis celui-là. Cet album, on est vraiment, par contre, là. Très très marqué dans la continuité du blues et du blues rock et pour moi qui suis un fan de rock et un fan de hard rock, ce qui me parle toujours très profondément, c'est ces musiques qui à la fois, tout en amenant un son nouveau, s'inscrivent dans un courant et dans une tradition, dans les schémas de composition qui est jamais très très éloigné de voilà, du blues, c'est cette musique-là et ces schémas qui me parlent. Et par exemple, je suis un grand amateur de hard rock. Par contre, je suis absolument pas amateur de métal, parce que justement la grande différence avec le hard rock et le métal, c'est que le métal s'est éloigné de très très loin des schémas du blues et du blues rock. Et pour le coup, on est loin de ce qui me touche, puisque je crois que fondamentalement, profondément, ce qui me touche, c'est toujours ces racines du côté du blues et très marquées dans le blues rock. Peu de chance d'avoir du Black Sabbath ce soir, alors. Non, c'est exactement, mais t'as raison, j'écoute pas Black Sabbath. J'écoute Black Sabbath, si, bien sûr, parce que c'est très intéressant, mais Black Sabbath me touche pas au cœur, comme peut me toucher par exemple Led Zeppelin, qui pour moi est le pendant de Black Sabbath, mais qui pour le coup ont toujours gardé des schémas très très proches du blues. Ah bah oui, puis de toute façon Black Sabbath c'est pas du hard rock, alors que Led Zeppelin est du hard rock. Bien sûr. Qu'on soit d'accord. Exactement. Là-dessus. On est d'accord là-dessus, bon, ça tombe bien. Qu'est-ce qui fait que toi, je veux dire, génération 90, soit descendu à aller t'intéresser à la génération 90. Mais je crois que tous les gens, enfin en tout cas tous mes potes, parce que mes potes musiciens, alors que j'ai laissés à Paris en venant ici, même si j'ai d'autres potes musiciens aujourd'hui ici, les gens avec qui j'ai commencé la musique, ma bande de potes ados en fait, parce que je pense que on a commencé la musique à goûter vraiment la musique à ce moment-là, dans les années 90. On a tous fait ce chemin-là, c'est-à-dire qu'on a découvert le rock avec tous ces groupes qui arrivaient, voilà, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, Pearl Jam, Soundgarden, Guns, Nirvana et d'autres. On a vraiment accroché sur cette musique-là, et en fait, petit à petit, de façon très très naturelle, on a remonté le temps. parce que c'est des gens qui avaient une culture musicale aussi et qui avaient écouté de la musique avant de créer la leur, et on a réussi à remonter le temps à travers leur, ce qu'ont été leurs influences, et très naturellement et très rapidement est arrivé derrière les grands maîtres à penser, les grands maîtres à jouer, on va dire, qui étaient Deep Purple, Led Zeppelin, et voilà, c'est arrivé très très naturellement et très vite derrière en fait, parce que c'était vraiment inscrit dans cette musique là qu'on découvrait. Tout à fait. Et ben on va continuer à remonter le temps. Alors, je t'écoute. Je propose d'écouter. Voilà, les années 70, le rock pour moi, c'est ce son-là, cette espèce de blues rock survitaminé, suramplifié, qui culminera avec peut-être AC/DC ou des groupes comme ça, ou Deep Purple. J'associe aussi toujours cette période à une grande, grande sensibilité artistique. Et il y a eu de très très belles choses, de très très belles balades des choses vraiment très très fortes qui ont été créées aussi à ce moment-là dans cette décennie-là. Et j'en avais une que j'aime vraiment beaucoup, un morceau qui me touche vraiment beaucoup, un morceau de Buddy Miles. Alors je sais pas si tout le monde sait qui était Buddy Miles. Buddy Miles c'était un batteur qui à un moment donné a joué avec Jim Hendrix. Je crois notamment que sur l'apparition d'Hendrix à Woodstock, je crois que c'était Buddy Miles qui était la batterie derrière. Et ce monsieur a fait, je crois, deux ou trois albums solo et qui sont vraiment, vraiment, vraiment des petits bijoux. Tout est très, très juste dans la composition, dans l'arrangement. Et tout est très, très sensible et c'est vraiment une musique très profonde. Et voilà, je ne peux pas écouter ce morceau sans avoir les poils qui se dressent sur les bras parce que vous allez l'entendre et vous allez voir, c'est vraiment d'une grande sensibilité, c'est très très juste. Donc c'est un morceau composé et chanté par Buddy Miles, qui était pas composé, non, c'est pas lui l'auteur, je crois pas. Mais par contre, il a chanté ce morceau divinement bien. Eh bien alors on écoute ça, donc Buddy Miles, avec tu as choisi la chanson I Still Love You Anyway. Yep. What do you want from me? I've nothing left to give. What would you like to see? A broken heart, please spare me. 'Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize or understand what it meant when you pushed away my hand. Where do you stand with me? Lord knows. Where would you like to be in my life? Please tell me. 'Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize that I understand what it meant when you pushed away my hand. I still love you anyway, but it's a no use without you, baby. I still love you anyway, but it's no use. What do you want from me? I told you a thousand times I have nothing left to give. And what do you need from me? Nothing, so please leave and let me live. 'Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize I understand what it meant when you took away my hand. My hand. you, baby. I still love you anyway. But it's no, no, no, no, no, no, no, no, no, no use without you, baby. Voilà, de retour dans le studio avec Igor. Pour ceux qui reprennent l'antenne maintenant, Igor est mon invité ce soir et il nous présente une petite playlist toute tranquille hein, avec Buddy Miles, I Still Love You Anyway, une superbe chanson. Merci Igor pour cette découverte. Ah ben, avec plaisir. Alors, on continue dans les années 72, on continue dans la balade parce que je voulais... Je voulais mettre un Stones parce que bon, les Stones, un groupe extraordinaire et qui pour moi symbolise la puissance et l'exubérance de cette décennie-là et l'immense créativité et si j'aime les Stones, même dans leurs morceaux très rock, pour moi c'est surtout un groupe qui a composé des ballades extraordinaires. Mmh. Et une que j'aime particulièrement dans mon album fétiche des Stones, qui est Exile on Main Street, qui pour moi est vraiment l'album des Stones où il y a rien acheté, qui est bon de la première note à la dernière note. Et il y a ce morceau extraordinaire qui est connu, hein, qui est un standard. Qui s'appelle Let It Loose et voilà, c'est encore un morceau je trouve d'une très très grande sensibilité et qui illustre bien le côté le côté très authentique aussi de la musique de cette époque. You Encore une belle balade signée Rolling Stones, choisie par Igor, mon invité ce soir. Mon invité, oui, tout à fait, parrain de l'émission Hot Rods en version carte blanche. Je voulais continuer avec quelqu'un qui pour moi est aussi un grand monsieur des années 70, qui s'appelle Todd Rundgren. C'est quelqu'un qui a... assez atypique dans le milieu musical à l'époque, parce que c'est quelqu'un qui faisait des albums où il était, je crois, enfin il me semble, multi-instrumentiste, enfin, notamment l'album dont je vais vous parler là, qui s'appelle Something Anything, un très très bel album, pour moi une des pièces maîtresses de ces années-là, qui est pareil, qui est beau du début à la fin, de la première note à la dernière. Et pour le coup, cet album, il a loué une chambre d'hôtel, il a fait venir plein d'instruments différents et il a enregistré cet album dans une chambre d'hôtel. Et c'est vraiment un petit bijou, tout le disque. Et je voulais vous faire écouter un morceau qui s'appelle Couldn't I Just Tell You. I'm Eh bien voilà, donc Todd Rundgren, bah, une découverte pour moi, parce que bah, j'avais déjà vu le nom passer comme ça, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à sa musique. Eh bien, ce sera chose faite dorénavant. Ouais, il y a vraiment des choses formidables, formidables. Alors, ensuite, parce que je suis toujours perdu dans ma chronologie, donc 72, logiquement, on va passer en 73. Ah, tu nous as fait ça dans l'ordre de... Mais ouais, alors non, d'accord. J'ai fait ça comme ça au débeauté, puis quelque part, s'il faut trouver une logique, celle-ci est plutôt pas mal. Ouais. 73, j'ai un truc en 73. Ah, moi, j'ai dû avoir les oreillons en 73, mais il y a moins après. Ouais, j'étais pas nul. Alors, ok, ouais, on y va. Alors, pour le coup, un classique, mais pour moi, pareil, une pièce maîtresse de ces années-là, quelque chose de majeur, Thin Lizzy. Ah. Voilà, groupe de rock irlandais, avec Phil Lynott au chant et qui verra passer pas mal de très très bons guitaristes, notamment Gary Moore, un peu plus tard, c'est pas à l'époque que je vais vous faire entendre, mais qui arrivera plus tard. Thin Lizzy, pour moi, voilà, c'est un son très rock, très percutant, mais en même temps un sens de la mélodie extraordinaire, et puis une façon de placer la voix assez atypique, voilà, enfin vraiment pour moi un grand grand coup de cœur que Thin Lizzy, et au même titre Kendrick, ça fait partie des groupes dont je ne m'éloigne jamais trop, puisqu'ils reviennent très très souvent sur la platine, parce que ça me touche toujours autant, à chaque écoute ça me touche toujours autant. Donc on va vous faire écouter The Rocker, titre de Thin Lizzy, qui voilà, c'est, vous allez voir, c'est un nom qui porte très très bien son titre, c'est un gros riff qui balance très très fort, et voilà, et il est tiré de l'album Vagabonds of the Western World. Feel Easy the Rocker, voilà. Phil Lynott qui a sa statue d'ailleurs. Ah oui, ouais. C'est pas ça. ensuite, alors pour changer un petit peu, je vous propose d'aller faire un tour du côté du funk parce que voilà, les années 70, bah, pour moi et pour beaucoup de gens, ça marque vraiment la décennie du rock. Mais il se passait aussi plein de choses dans les années 70, un petit peu autour du rock ou à côté. Et là, je vous propose d'écouter un morceau de Funkadelic. Funkadelic, pour moi, c'est vraiment la quintessence du funk et avec quelque chose malgré tout de très hendrixien dans l'approche. On retrouve beaucoup Hendrix dans Funkadelic. Alors moi, après, dans Parliament, qui sera Funkadelic, après Funkadelic, dans les années, à la fin des années 70, George Clinton décide de d'appeler ce qui était Funkadelic Parliament, et puis ça il prendra à ce moment-là un tournant artistique. Il changera de son, mais toute la période funkadélique, on est à quelque chose qui est au croisement du funk et du rock, et ça donnera des choses fabuleuses qui plus tard, dans la décennie 90, trouveront des ramifications, notamment dans un groupe qui s'appelle FFF, Fédération Française de Funk. Je sais qu'il y avait des grands fans de funkadélique là-dedans, et ça s'entend dans leur son. Voilà, donc un morceau de funkadélique, Red Hot Mama. Suck in their brain. Oh, I got something. Come on now. Come on, God damn. Come on, can you punch me in or something? Come on, let me face this. What's the time? I'll take it, man. I'll do that. Okay, I'll say this. I'll just be real serious. It's a gross motherfucker. Come on, man. Don't let him. Come on. Don't let him in. A luscious bitch, she is true. But it's not nice to fool Mother Nature. The proud mother of God, like all hoes, is jealous of her own shadow. Who is this young Britannic bitch who wished to be queen for a day? Who would sacrifice the great-grandsons and daughters of her jealous mother? By sucking their brain until their ability to think was amputated, by pimping their instincts until they were fat, horny, and strung out. In her neurotic attempt to be queen of the universe, who is this bitch? Red-eyed mama from Louisiana, coming away to Savannah. She been cooped up too long. Red-eyed mama looking to the city. Dances and big town spenders. She's been grieving. Red Hot Mama was getting down, scoping the places where fun could be found. She was smoking. Red Hot Mama, c'est vrai que ça déménage quand même un peu, et une intro qui est quand même terrible. Ouais. Et puis quand le morceau démarre, voilà, ce que je te disais, l'intro elle justifie, parce que c'est une telle claque que du coup ça te fait oublier la longueur de l'intro. Voilà, puis moi j'ai les pattes de dev qui poussent là. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors 74, pareil, même année. On n'a pas encore attaqué les grands noms. Enfin, si, on a parlé des Rolling Stones, mais on n'a pas parlé de Led Zepp encore. On n'a pas parlé de Deep Purple. Et ben, on va en parler là, pour l'année 74, avec un album qui, pour moi, est, je crois, enfin, à mon sens, à mon goût, le meilleur de Purple. Enfin, l'album auquel je suis le plus attaché, qui s'appelle Burn. Pareil, un album incroyable où il n'y a rien acheté, tout est bon de la première note jusqu'à la dernière. Une pièce maîtresse vraiment. Et ce morceau d'introduction, morceau éponyme qui s'appelle Burn, qui est juste une claque magistrale. Et tout le reste de l'album est cet acabit-là, et c'est vraiment du grand, grand rock, quoi. You know we are not. Deep Purple Burn, donc, sur l'album du même nom, Burn, sorti en 1974, et à la voix, c'est Ian Gillan. C'est... Ou c'est David Coverdale? Non, je crois que c'est Coverdale, qui arrive, là, justement, avec le Mark IV, et ils vont faire deux albums ensemble, ils vont faire celui-là, Burn, et celui d'après, qui s'appelle, je sais plus, enfin, j'ai la pochette, je vois la pochette, mais, voilà, alors, ils vont garder cette équipe-là sur deux albums, et les deux albums sont très très bons. Alors, ensuite, ah oui, on va passer en 75, on va aller faire un coucou à David Bowie, sur un album qui s'appelle Young Americans, qui est un très très bon album. Bowie était sorti un peu de sa période rock'n'roll, qui avait été vraiment marqué par The Spiders from Mars, et cet album-là est assez, très très américain, American Young American s'il s'appelle, et marqué du côté du funk et de la soul, voilà. Et je voulais vous faire entendre le titre Fame que je trouve formidable, parce que voilà, encore un condensé de funk et de rock and roll. Et alors, et en plus, il y a une anecdote. Alors c'est rigolo parce que je connaissais pas cette anecdote. Et en fait, c'est en faisant ma playlist, c'est pas le morceau que j'avais au départ imaginé, le morceau de Bowie que j'avais imaginé insérer dans la playlist, mais donc je passais un peu en revue mes disques de Bowie, et je regarde Fame, que j'aime beaucoup, et je vois un truc absolument étonnant que je ne savais pas. Sais-tu, Didier, qui est crédité à la guitare dans l'enregistrement du titre Fame de David Bowie? Bon, ça doit être Hendrix. Non. Oh bah non, on est en 75. Ah oui, 75, pardon. Ouais. Qui pourrait être crédité à la guitare? Tu peux pas deviner, si tu le sais pas, tu peux pas deviner, parce que c'est deux univers qu'on pense relativement éloignés. C'est vraiment étonnant de le trouver là. Ouais, je sais qu'après, Bowie et Iggy Pop ont bossé ensemble avec la période Berlin, ouais, avec Brian Eno aussi. Ouais. Et bah non, c'est John Lennon. John Lennon, okay, à la gratte, okay. Sur l'enregistrement de Fame. Ok. Et voilà, j'ai découvert ça sur le disque. Tomorrow. Voilà, c'était la première partie de la carte blanche à Igor. Vous retrouverez la suite la semaine prochaine. Alors si le concept vous a plu, bah, laissez-moi un petit mot sur la page Facebook Hot Rods. Si vous voulez aussi participer et faire votre carte blanche, c'est possible. Même principe, un petit mot en message privé sur la page Hot Rods et on s'organisera. Bon ben voilà, je crois que c'est terminé pour ce soir. On va se retrouver la semaine prochaine pour la 19e de Hot Rods. Alors je vais tester une nouvelle formule la semaine prochaine, la version 2.0 de l'émission. Continuez à prendre soin de vous les amis. On va pas se quitter comme ça, on va s'en jeter un petit dernier pour la route. Mais un petit dernier, eh bien, face au blues. My baby don't love.